pas pour réfléchir. Eh, je crois qu'on t'a laissé le temps d'un disque. T'es même pas capable de trouver la, moi, la réponse. Hein. Mais non, mais pendant le disque, on parle d'Internet. Non, mais tu as raison. Ah ouais, c'est ça. Non, mais t'as raison. Moi, je voudrais dire, Gérard, que quand même, les rares hommes qui posent des lapins, c'est quand même des crottins. Exactement. Non, mais c'est clair, il vaut mieux poser un lapin par terre que dans un cajou. Genre, quand tu te prends pas un lapin, parce qu'apparemment tu t'en prends beaucoup, qu'est-ce qu'elles font les nanas? Elles sont même pas capables d'appeler pour dire qu'elles viennent pas. Ouais, mais Gérard, si t'es au rendez-vous, comment tu veux qu'elles t'appellent? Est-ce qu'elles ont le téléphone? Comment? Est-ce qu'elles ont le téléphone pour t'appeler? T'as pas portable, Gérard? Non. Bah alors, comment tu m'appelles, Gérard? Dans ces cas, moi, j'essaye de rappeler la personne pour savoir où tu allais. Le lapin, c'est une téléphonie. Non, mais c'est bon, Oui, mais si tu as plus d'unité sur la carte, comment tu fais? Bah ouais, tu peux pas aller à la cabine. Je trouve toujours un moyen pour pouvoir appeler une personne. Ça, c'est bien. Non, celui qui s'amuse à prendre un sou de trop de moi, là, c'est bon, hein, maintenant. Bon, allez, d'autres questions, Gérard. On va calmer. Mais est-ce que tu préfères prendre un lapin ou un pain? Oh. Ouais, ben, je pense que là, vous... Non, Gérard, pour lancer le débat, pose une autre question, Gérard. Pourquoi pose-t-on des lapins? Vas-y, tu te répètes un petit peu quand même, Gérard. Un petit peu quand même, tiens, à propos de lapins, j'aurais demandé à Dark Vador de laisser son numéro sur Minitel, merci. Gérard, on pose des lapins, généralement, quand la personne à qui on a donné rendez-vous ne nous plaît pas, ou quand on n'a pas envie de la voir, mais qu'on ne veut pas la froisser. Mais à ce moment-là, tu poses pas de lapin. Le plus souvent, quoi, les gens posent pas vraiment de lapin parce qu'ils viennent au rendez-vous, hop, ils regardent de loin et tout. Ouais, voilà, tu regardes de loin. La tronche, et puis hop, si jamais la tronche leur plaît pas, bah, ils se cassent. Ils détalent comme des lapins. Voilà. Ça fait comme Polo, mais qui est plus là maintenant avec nous. Ça fait comme Polo qui a laissé trois nanas en plan, je sais pas où. Exactement. Bah ouais. Et Gérard, est-ce que tu sais faire le lapin avec ta bouche, tu sais, comme ça là? Bon, c'est bon, Luigi, c'est pas tes trucs comme ça, je te répondrai pas, tu le sais très bien. Gérard, c'est vachement facile pourtant. Et comment on arrive à débusquer des lapins d'un terrier? Je te répondrai pas. En y mettant le feu. Ouais, parce qu'il a le feu au cul, donc il court comme un lapin. Non, mais c'est bien. Non, on lui balance l'enfant de l'Adidas, on l'a fait. Ouais, de l'Adidas, ouais. Ou du Axe. Ou alors du coup de tongue sur les fesses. Non, du Ted Lapidus. Non, du Axe, non. Non, quoi, bah vas-y, c'est Christelle ou Bénédicte là, qui disent non. C'est Bénédicte. Ouais, bah vas-y. Non, bah je te dis, je sais pas, hein, comment débusquer un lapin, bah je te dis, on y met un pied, certainement. Ouais, bah de toute manière, ça c'est encore une connerie. Eh, mais il y a une question. Il y a une question que je veux poser. Ah là là, je pense que le. Là, comme on a deux nanas. Attention. Attention, j'ai un truc de bague. Ça met le feu, Gérard. Là, je vous préviens, les deux nanas, c'est pour vous parce que vous allez vous en prendre. Vas-y, Gérard, j'attends que ça. Alors pourquoi? Dépêche-toi, mon lapin. Pourquoi les nanas. Ils vont nous mettre la fièvre. Mais c'est bon, laissez parler Gérard, bordel. Non, mais arrêtez de parler comme ça. Mais aidez-vous, c'est pas pour vous la question, c'est pour nous d'abord. Ça sert à rien. Ah, de rajouter comme ça, c'est pour les parler. Aidez-vous, monsieur. La question est pour les filles. Est-ce que je parle? Bon, allez, silence. Silence. Chut. Pourquoi que les nanas nous posent des lapins? Allez! Ta question, Gérard. Silence, vas-y, pose ta question. Vas-y, pose ta question, Gérard. Pose ta question, Gérard, personne ne dit un mot là. Mais taisez-vous, laissez parler Gérard. Pourquoi est-ce que les nanas posent des lapins? Non, c'est pas ça, il a pas encore posé. C'est pas ça, c'est pourquoi que les nanas posent des lapins? Bah c'est bon, aussi, si tu fais du bruit derrière. Ouais, c'est vrai, merde, arrêtez. Bon, c'est bon, vous avez entendu la question, je la répète pas. Bon, Gérard, tu la poses ta question? Non, tu la répètes pas. Ouais, non, on l'a entendu, c'est bon, on l'a entendu sa question, mais il y a une rectification de Solo sur Minitel qui dit pourquoi, on dit pas pourquoi les nanas posent des lapins, mais pourquoi ma nana pose des lapins, Gérard. Non, c'est pas ma nana, de manière, c'est les nanas en régulier. Pourquoi pourquoi tu fais de la publicité pour Nana et pas pour Tampax? Et toi, pourquoi t'es con? Parce que Gérard utilise des couches pampères, bien sûr. En fait, ils centralisent le débat sur toi parce qu'on te pose des lapins à une fois. Ça n'arrive pas à tout le monde. Ouais. Non, mais pourquoi que les nanas posent des lapins? Mais Gérard, tu tournes depuis tout à l'heure, tu nous posais la question. Elles posent des lapins parce qu'elles peuvent pas poser des canards, quoi. Alors, elles posent des lapins. Ouais, d'accord. Ouais. Parce qu'elles préfèrent les tortues. Les tortues, c'est trop lent. Je sais pas, Christelle. Oui. Ça t'arrive souvent de poser des lapins? Non, moi ça m'arrive pas parce que moi. Bien sûr que si, t'as déjà fait ça. Mais non, ça m'arrive pas. Bon, ça c'est bon derrière, plus. Vous la laissez parler. Non, ça m'arrive plus, ça m'arrive. Christelle. Voilà, ça t'arrive plus, donc ça t'est déjà arrivé quand même. Ouais, mais ça m'est pas. Mais moi. Enfin, non, moi. Non, mais parce que le mec. Parce que le mec me plaisait pas, mais moi, au lieu de faire la peine de faire poireauter. Christelle. Oui. Mais dans ce cas, moi je vais te dire une chose, excuse-moi de l'expression. Oui. Là, je vais être un peu dur avec toi. Mais je vais te dire une chose, pour moi, t'es une salope, là. Laissez-moi répondre à la question que Christelle a machinée. Hein, Christelle, moi, je vais te dire une chose. Pour moi, excuse-moi de l'expression, mais je te dis, moi, pour moi, t'es une salope. Non, mais attends, Christelle. Non, et tu sais ce que c'est qu'une salope? C'est une meuf qui se fait tirer sans te faire payer. Pourquoi, Christelle, tu te fais payer, toi? Non, maintenant, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé. C'est vrai? Non. T'étais sorcière? Parce qu'ils ont pas voulu. J'étais pas 100%. Elle est pas agréée. Par rapport à la SPA. Non, mais attendez, là. Je vois pas le rapport là avec la sécurité sociale. Je vois pas le rapport. Parce qu'elle a un vagin public. Voilà, je vois pas le rapport avec la sécurité sociale. On oublie quand même un trou de l'anneau lapin dans l'histoire. C'est le trou de la sécu. Non mais moi, Christelle, je vais quand même répondre à ta question si les cums ils me laissent parler. Je préfère, tu vois, Christelle, il y a un truc quand même là qui me tue sur ta réponse. Oui. C'est que dans ces cas-là, quand t'as la personne, tu lui demandes son physique et tout, dans ces cas-là, tu le rappelles. Mais t'as rien compris à ce que je t'expliquais tout à l'heure. Dis carrément.